بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد واليوم نبدأ في سورة جديدة aujourd'hui on commence une nouvelle sourate sourate Al-Balad فهي سورة مكية c'est une sourate donc mécoise qui a été révélée durant la période mécoise فيقول الله تبارك وتعالى بعد البسملة الله تعالى il dit après la basmala لا أقسم بهذا البلد certes je jure par cette cité وأنت حل بهذا البلد alors que tu es dans cette cité ووالد وما ولد et par le père et ce qu'il enfante لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ Nous avons certes créé l'être humain dans une souffrance, donc dans une vie de souffrance. Et donc Allah Azza wa Jalla, il appuie le fait qu'il jure par cette cité. Ce n'est pas une négation ici. Ça c'est important. فأقسم الله تبارك وتعالى بهذا البلد donc Allah a juré par cette cité وهذا يدل على أن الأمر المقسم عليه لابد من وقوعه et donc cela nous montre que la chose pour laquelle Allah a juré cette chose il est impératif qu'elle se produise mais qu'est-ce que c'est que cette chose on verra ça plus tard inshallah ta'ala وكذلك ان القسم دليل على عظمه المقسم المقسم به et aussi le fait de jurer c'est quelque chose qui montre la grandeur de ce par quoi on jure et donc ici dans ce verset on voit la grandeur de cette cité quelle est cette cité c'est la Mecque Mecca فهذا القسم يدلنا على عظمه مكه et donc ce Le fait de jurer ici nous montre la grandeur, l'importance de cette ville, la Mecque, التي هي أعظم بقعة في العالم, qui est la أفضل, qui est la meilleure ville sur terre, la meilleure cité ici sur terre, la Mecque. لأن القسم هو تأكيد الشيء بذكر معظم عند الحالف باستعمال صورة مخصوصة et donc le fait de jurer c'est le fait d'appuyer une chose appuyer une information en citant quelque chose qui est grand auprès de celui qui jure en utilisant une formule spécifique et donc cette chose qui est grande Elle est grande auprès de celui qui jure. Et donc cette cité, elle est grande auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Walakin ayyuha al-ikhwa, kathirun min al-marda, yabhathuna an akhta' fi hadhihi al-baldati wa hukamiha. Cependant, mes frères, beaucoup de malades, beaucoup de personnes qui ont des maladies dans leur cœur, ils cherchent des erreurs. Dans ce pays aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, ici donc la Mecque qui est en Arabie, et donc beaucoup de personnes vont chercher des erreurs ici, dans ce pays et chez les gouverneurs de ce pays. Comme si l'être humain ne se trompe pas. Comme si l'être humain ne se trompe pas. Walakin, ha'oula il hasidun. يجوزون لأنفسهم أمورا فإذا وقع الحكام فيها عابوهم بها Cependant, ces jaloux, ils s'autorisent des choses. Ces gens qui sont jaloux, ils s'autorisent des choses. Mais lorsque les gouverneurs vont tomber dans ces choses-là, ils vont les blâmer. Ça, c'est la jalousie. La jalousie. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala ne leur a pas donné ce qu'il a donné aux autres, aux habitants de ces pays, de cette terre bénite. Wa nahnu huna fi France, nushahidu hadha al-uslub yu'malu bihi ma'a as-salafiyin. Ici en France, on voit cette même méthodologie qui est utilisée avec les salafis. فَالنَّاسُ عُمُومًا يُجَوِّزُونَ لِأَنفُسِهِمْ الْوُقُوعَ فِي أُمُورٍ مُحَرَّمَةٍ أَوْ مَكْرُوهَةٍ فَإِذَا وَقَعَ السَّلَفِيُّ فِيهَا قَالُوا هَكَذَا السَّلَفِيُّونَ. Et donc les gens, de façon générale, ils se permettent, ils s'autorisent des choses qui sont soit interdites, soit détestables. Et lorsqu'ils vont voir un salafi tomber dans cette chose-là, ils vont dire « Ah, regardez les salafis. Regardez ceux, les barbus avec les camis, là, ceux qui font tous ces trucs-là. » Et donc ils s'autorisent des choses, mais ils blâment le salafi si lui, il le fait. Ça, c'est la jalousie, parce qu'ils savent que cet individu, il est sur la vérité. Mais il faut trouver quelque chose pour le faire descendre. وَهَكَذَا فَعَلَتْ كُفَّرْ قُرَيْشِ. Et c'est comme ça qu'ont fait les incroyants de Quraysh, aussi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. فَبَعْضُ الصَّحَابَةِ قَاتَلُوا فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ. Certains compagnons, ils ont combattu pendant les mois sacrés. وَلَمْ يَأْمُرْهُمُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِذَلِكَ كَمَا رَأَيْنَا. Et le prophète, il ne leur a pas ordonné de combattre, comme on l'a vu dans les cours de Sira. فَمَاذَا فَعَلَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ. Qu'est-ce que les mécréants de Quraysh, ils ont fait? قَالُوا هَا مُحَمَّدُ وَأَصْحَابُ يُقَاتِلُونَ النَّاسَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ. Regardez, Mohammed et ses compagnons, ils combattent les gens pendant les mois sacrés. Les musulmans, regardez ce qu'ils font. فَوَجَدُوا بَعْضَ الْأَخْطَاءِ عِنْدَ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ قَدْ اجْتَهَدُوا فَعَابُوا بِهَا الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ. Et donc ils ont trouvé certaines erreurs chez certains musulmans qui ont fait des efforts et qui se sont trompés. Et ils ont blâmé l'islam et les musulmans à cause de ça. Jusqu'à ce que Allah tabaraka wa ta'ala fasse descendre sa parole. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ. Il t'interroge concernant le mois sacré, le fait de combattre durant celui-ci. Qul qitalun fihi kabir. Dit, le fait de combattre pendant ce mois, c'est quelque chose de grave. Wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjid al haram wa ikhraj ahlihi minhu akbar 'inda Allah. Et certes, le fait de fermer et d'empêcher les gens d'accéder au sentier d'Allah, et de mécroire en lui et en la mosquée sacrée, le fait de chasser les gens de celle-ci, cela est bien plus grave auprès d'Allah. إذن هؤلاء ينظرون إلى أخطاء بعض المسلمين ليعيبوا به المسلمين ولا ينظرون إلى أخطائهم الكبيرة التي وقعوا فيها. Et donc ces gens-là, ils vont regarder certaines erreurs qu'ont accomplies certains musulmans pour blâmer les musulmans de façon générale. Mais ils ne vont pas regarder les grandes erreurs, les grands péchés dans lesquels ils sont tombés. De la même façon, « وَهَكَذَا عِنْدَنَا يَنْظُرُونَ إِلَى بَعْدِ الْأَخْطَاءِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا بَعْدُ السَّلَفِيِّينَ فَيَعِيبُونَ بِهَا السَّلَفِيِّينَ وَالسَّلَفِيَّةِ. » Et donc ici, ils vont voir quelques erreurs que certains salafis ont accomplies et ils vont prendre ça pour blâmer les salafis et la salafia de façon générale. Et donc il faut faire attention, ils ne vont pas regarder leurs erreurs dans lesquelles eux ils sont tombés. La yanzuruna ila al-kaba'ir allati hum fiha. Ils ne regardent pas les grands péchés dans lesquels ils sont. Ila al-bid'ah. Ils ne regardent pas les innovations qu'ils font. Wa al-shirk. Ils ne regardent pas le polythéisme qu'ils font. Et donc nous devons faire très attention à ce genre de sujet. Barakallahu fikoum. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, la uqsimu bihada al-balad wa anta hillun bihada al-balad. Certes, je jure par cette cité alors que tu es dans cette cité. Fayuhtamal an yakuna al-ma'na anna Allah ta'ala aqsama bi Makkah حال قول النبي صلى الله عليه وسلم حالا فيها لأن وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يزيدها شرفا إلى شرفها. Et donc il se peut que ce qui soit voulu ici, c'est le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il est juré par la Mecque pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y était. Parce que la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque va anoblir encore plus ce lieu qui est déjà noble. Mais la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque va anoblir encore plus ce lieu. Deuxième avis des savants, par rapport à ce terme, wa anta hillun. Deuxième avis des savants par rapport à ce terme, qalu wa yuhtamal an al murad an Allah tabaraka wa ta'ala aqsama bi Makkah hal kawniha hillan lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam lian Allah ta'ala ahallaha li nabiyhi sa'atan min nahar li yuqatila al mushrikin وهم الذين أخرجوه منها سابقا فتهرها من الأصنام وما فيها من الشرك. Et donc deuxième avis, les savants qui nous disent, il se peut que ce qui soit voulu par là, c'est que Allah Ta'ala, il a juré par la Mecque alors qu'elle était licite pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est voulu ici par le terme licite, c'est le fait que Allah Tabaraka wa Ta'ala a autorisé à son prophète de faire ce qui est interdit à d'autres. Et ceci, comme il l'a fait durant un instant pendant, dont un certain nombre de temps, donc pendant la journée, afin que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisse combattre les polythéistes qu'il avait chassés de cette cité auparavant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donc purifié la Mecque de toutes les statues et du polythéisme qu'il y avait. Et donc, ce qui est voulu ici par wa anta hillun, donc le deuxième avis, c'est le fait que la Mecque fut licite pour le combat pendant un certain nombre de temps. Et ensuite, le caractère sacré de la Mecque est revenu après cela. Et donc ensuite, il fut interdit de nouveau le combat à la Mecque. وَهَذَا الْقَوْلْ جَزَمَ بِهِ الْبَرَوِيُّ فِي تَفْسِرِهِ. Et cet avis, le deuxième avis que j'ai cité, Al-Barawi, il l'a cité de façon ferme dans son tafsir. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wa walidin wa ma walid » et par le père et ce qu'il a enfanté. « Faqala ba'du ahli al-ilm inna al-murada bil walid huwa Adam » Certains gens de science, ils ont dit que ce qui est voulu par le père, c'est Adam, alayhi salam. « Wa ma walid awladuhu » et ce qui est voulu par ce qu'il a enfanté, ce sont ses enfants. Et donc Allah, il a juré par Adam et ses enfants. فبعدما أقسم الله تعالى بأم القرى أقسم بآدم الذي هو أبو البشرية. Et donc après que Allah Ta'ala ait juré par la Mecque qui est la mère des villes, la mère des cités Umm al-Qura, il a juré par Adam qui est le père de l'humanité. وقال آخرون, donc ça c'était le premier avis. وقال آخرون إن الله تعالى أقسم بكل والد من خلقه وما ولد سواء كان بشرا أو بهائم لأن الولادة من الدلائل العظام على قدرة الله تعالى. Et d'autres savants, ils nous disent que ce qui est voulu par là, c'est que Allah Ta'ala, il a juré par tous ceux qui enfantent et ceux qu'ils vont enfanter parmi ces créatures, même si ce sont des êtres humains ou des animaux, des insectes même. Pourquoi? Parce que le fait d'enfanter est une des plus grosses preuves montrant la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. An yukhlaqa hadha al-makhluq min nutfa ثم يخرج من بطن أمه ويتحرك. Et donc que cette créature fut créée d'une goutte, à partir d'une goutte il fut créé, et qu'ensuite il sort du ventre de sa mère et qu'il bouge, il voit, etc. C'est quelque chose d'énorme si on y médite. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il appelle l'être humain à méditer sur cela. Et ولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. L'être humain ne voit-il pas que on l'a créé à partir d'une goutte? Et c'est alors que c'est un ennemi déclaré. Ne me dit-il pas, on l'a créé à partir d'une goutte, une goutte! Tu n'étais rien! Ensuite, tu as grandi et maintenant, tu es un ennemi déclaré? Cette création même est une preuve de la puissance d'Allah. Regarde à partir de quoi il t'a créé aujourd'hui, tu marches. Regarde tout ce que tu fais aujourd'hui. Et donc, cela montre la puissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. ورجح العلامة ابن العثيمين رحمه الله أن الآية عامة في كل والد وما ولد. Et le très savant Ibn al-Uthaymin رحمه الله, il a cité que ce verset est général et qu'il en la vie le plus juste, c'est que le verset est général et qu'il englobe tous ceux qui enfantent et ceux qui a été enfanté. فأقسم الله تعالى بمكة وبكل والد وما ولد ala amrin azim. Et donc Allah Ta'ala, il a juré par la Mecque et par tous ceux qui enfantent et ceux qu'ils ont enfantés, pour nous montrer quelque chose de grandiose et d'important. Qu'est-ce que cette chose? La parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, laqad khalaqana al-insana fi kabad. Certes, nous avons créé l'être humain dans une souffrance. Dans une souffrance, une difficulté. Ce verset comprend deux significations. Ce n'est pas une ou l'autre, c'est deux significations. La traduction, j'ai utilisé une des deux significations. J'ai vu, c'est un petit peu la signification qui est la plus répandue, la plus utilisée. Mais ce verset a deux significations, il a deux sens. الأول أن الله خلق الإنسان سويا في كبد أي سويا في أحسن تقويم. Et donc le premier sens du mot كبد, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé l'être humain de façon juste, il a justement façonné et il l'a créé sous la meilleure forme. رأسه في الأعلى, sa tête elle est en haut au-dessus. ويمشي على رجليه, il marche sur ses pieds. Il ne marche pas sur son ventre. Il n'a pas la tête en bas. Il a la tête en haut. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala a créé l'être humain de la meilleure des façons. De la meilleure des façons. Ça, c'est la première signification de Fikabed. Et la deuxième signification, Annal insana khuliqa fi mashaqqa. Et donc, c'est celle que je vais utiliser pour la traduction. L'être humain a été créé dans une difficulté, une vie de difficulté. فهذه الأم تعاني من آلام الولادة. Et donc cette mère qui souffre des douleurs de l'enfantement, de l'accouchement, excusez-moi. ثم يعاني الإنسان في معيشته في طلب الرزق والمصائب التي تنزل به. Et ensuite l'être humain, il va souffrir durant sa vie. Ça va être difficile lorsqu'il va chercher la subsistance, il va chercher à gagner sa vie. Il va chercher aussi, lorsqu'il va patienter sur toutes les souffrances et les douleurs qui vont le toucher, il va devoir endurer et patienter. وَكَذَلِكَ صَبْرُهُ عَمَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَصَبْرُهُ عَلَى أَذِيَّةِ النَّاسِ مِنْ أَجْلِ تَمَسُّكِهِ بِدِينِهِ. Et aussi le fait que la personne va endurer, patienter pour obéir à Allah. Ça aussi, c'est une difficulté. La personne va patienter et endurer face à l'injustice des gens à cause du fait qu'il est accroché fermement à sa religion. À cause du fait qu'il est accroché fermement à sa religion. Certains, parfois, ils se plaignent. Ah, j'ai du mal. Ah, ma famille, mes proches. C'est normal. L'être humain a été créé dans une difficulté. C'est difficile, c'est tout à fait normal. Que tu aies des gens qui soient contre toi pour ta religion, il se peut que ce soit tes proches, ceux qui sont le plus proches de toi. Mais c'est normal. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Thumma yamutu l'insan fayu'ani min mashaqqati al-maut. Ensuite, la personne meurt et elle va donc souffrir de la difficulté de la mort. Et donc toute ta vie, tu as ces moments difficiles. Certains disent, j'aimerais bien avoir une vie apaisée, facile, c'est difficile tout le temps. On finit une difficulté, il y en a une autre. On finit une difficulté, il y en a une autre. On finit une difficulté, il y en a une autre. Pense à ce verset. Pense à ce verset. Et rappelle-toi que c'est comme ça. Jusqu'à la mort, tu meurs. Tu meurs, la mort, elle est difficile encore. Après la mort, c'est fini. Après la mort, al-barzakh. L'épreuve de la tombe. Ou al-qiyama. Le jour de la résurrection, les gens qui sont ressuscités, c'est difficile. Ils demandent au prophète, va intercéder auprès d'Allah. Non, non, jusqu'à ce qu'il tombe sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ana laha. Je vais le faire. Et donc c'est un moment difficile, les épreuves, yawm al-qiyama. Ila an yadkhul al-muttaqi fil jannah. Jusqu'à ce que le pieux rentre dans le paradis. À ce moment-là, cette difficulté, elle s'arrête. Et donc, c'est pour cela que toi, aujourd'hui, tu dois endurer, patienter et œuvrer pour qu'Allah te fasse rentrer au paradis et que tu sois enfin apaisé. Cet apaisement que tu recherches, ce repos que tu recherches, tu l'auras, Inch'Allah, au paradis. Demande, nous devons tous demander à Allah, Azza wa Jal, نسأل الله عز وجل أن يدخلنا في جنته إنه على كل شيء قدير ونغد لا بو aujourd'hui inshallah ta'ala on continue la semaine prochaine وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا